écoutez Sous Pression, 60 minutes de punk, ska et hardcore francophone, diffusant à partir du CHUO à Ottawa, le CIVR à Yellowknife, le CFRT à Iqaluit et partout dans le monde à partir du souspressionpunk.com. Restez à l'écoute. Salut tout le monde, vous êtes à l'écoute de Sous Pression, une émission de Punk Sky Hardcore francophone qui diffuse tous les semaines à partir du souspressionpunk.com, mais aussi à la radio sur au CHU 89.1 FM Ottawa, le CVR 103.5 FM à Yellowknife et à Iqaluit, le 107.3 FM, CFRT, CFRET. Je vais être avec vous pendant jusqu'à la fin de l'heure, 60 minutes, pour faire jouer du punk, du sky, du hardcore, tout en français. On a commencé l'émission avec The Ockploid. Désolé si j'ai mal prononcé le nom, avec une reprise de Les Shérifs, le morceau Que Pasa. C'est une chanson tirée d'une compilation. La compilation s'appelle Génération Shérif Volume 2, une compilation préparée et organisée par Kicking Records. Et c'est une vraiment, vraiment, vraiment bonne compilation. Il y a des groupes comme Justine, Poésie Zéro, La Gâchette, même Charlie Fiasco, et là j'en manque. Là. Très bonne compilation. Je vais faire jouer cette semaine, parce que je fais juste l'écouter pendant une semaine. Là. Je vais faire jouer cette semaine plusieurs chansons de la compilation, mais aussi des chansons par Les Shérifs, les versions originales. Mais avant de faire ça, je vais faire ça au fur et à mesure de l'émission. Là. Je vais aussi faire jouer des morceaux par d'autres groupes. Je vais faire jouer, comme par exemple, tout de suite, je vais continuer avec un morceau par Les Vulgaires Machins de leur album Requiem pour les sourds. C'est le morceau un peu plus fort ici à Sous Pression. Appel banal sur mes idées noires, plutôt périr que violence, tous les mensonges, mon cœur qui se déchire, je continue de croire à toutes les secondes qui passent, à lutter la fiction, tu me donnes le courage d'en penser encore, tu me donnes la preuve, j'ai pas eu tard, tu me donnes une exception. Oh, hey, he's in the drop of one. Oh, hey, he's in the drop of one. Salut, vous êtes toujours à l'écoute de Sous Pression. Là, on vient d'écouter du Opération Dynamo, de leur EP Ego Persécution, c'était le morceau La Course. Les Shérifs avant ça de leur album Pan, c'était le morceau Ici le drapeau noir. Cette morceau-là est aussi en reprise sur la compilation Génération Shérif volume 2 par un artiste qui s'appelle Le Meurtre. Une version acoustique pas mal cool de la chanson. Avant ça, Justine, un autre morceau tiré de la compilation Génération Shérif, c'était le morceau Ne comptez pas sur moi, et on a commencé le bloc avec Le Vulgaire Machin de leur album Requiem pour les sourds, c'était le morceau un peu plus fort. Je continue maintenant en musique avec un groupe québécois qui a sorti un album l'année passée, le groupe s'appelle No Laws Apply, l'album c'est Punk Rock Tablette, voici le morceau Anti-Système à Sous Pression. Perdu, mais je ne jouais même pas. Un jour j'ai voulu, un jour j'ai pas le choix. Je rien qu'au fond, j'ai besoin de ça. Parfois c'est moi, mais c'est plus ou pas toi. J'ai pas objectif, mais tu m'aimes comme ça. Si quelqu'un se plante, c'est jamais moi. C'est vrai qu'on n'est pas si différent. Et je sens même en avoir l'air croqué. Pendant qu'il mange, je me fais faire.

Salut, c'est toujours à l'écoute de Suppression. On vient d'écouter du Action Sédition. C'était tiré de leur album Rapport de Force, le morceau No You Can't. Avant ça, les 3-8 de leur album éponyme qui est sorti au mois de novembre dernier, le morceau Travailler. Le groupe Les 3-8 ont aussi lancé un clip tout récemment pour cette chanson. Aussi, un clip un peu en hommage aux employés de Goodyear qui ont reçu une sentence en prison pour des actions faites lors d'une lutte syndicale. Et les 3-8 et Action Sédition vont faire une tournée. Oh, pardon. Vont faire une tournée du Québec au Canada au mois de juillet. Alors si vous êtes au Québec ou au Canada ou n'importe où, pas loin, vous pouvez essayer de vous rendre. Je vais vous donner l'info une fois que ça sera disponible. Ça devrait être des bons shows. La gâchette avant ça avec Génération Atomique, un autre morceau tiré de la compilation Génération Shérif. Lundi 13 avant avec Roulette Parisienne et on a commencé le dernier bloc avec du No Laws Apply avec leur morceau Anti-Système. Alors là, il est temps avant que je fasse jouer le bloc Sono Mondial, je vous rappelle à ceux et celles qui écoutent à la radio que Sous Pression a un site web, souspressionpunk.com. Alors si vous écoutez à la radio, allez checker ça. Et on a aussi une présence sur Facebook, facebook.com/sous-pression. Alors si vous êtes sur Facebook, allez aimer ça et vous pouvez aussi m'envoyer un message à l'adresse suivante. Je m'y allais aujourd'hui à l'adresse suivante info@commercial-sous-pression-punk.com. Envoyez-moi des demandes spéciales, commentaires, plaintes, n'importe quoi. Alors c'est ça. Là, continue avec le bloc Sono Mondial. Cette semaine, je vais faire jouer un groupe espagnol. Ils viennent. Le groupe s'appelle Urpa. Un groupe dans le bloc Sono Mondial, tu sais, où je fais jouer des groupes qui chantent ni en anglais ni en français, s'il y a un pays qui, je pense, domine le bloc Sono Mondial, c'est sûrement l'Espagne. En tout cas, là, je vais faire jouer le groupe Urpa, deux morceaux d'un album éponyme. Je vais faire jouer le morceau Te Odio et Paella Gratis. Alors, voici Urpa à sous pression. Let's go! c'était Urpa avec le morceau Paella Gratis. Avant ça, le même groupe avec le morceau T-Audio. Je continue maintenant avec un autre morceau tiré de la compilation Génération Shérif Volume 2. C'est une reprise du morceau Arrête de parler pendant que tu dors. Cette version aussi, par contre, elle s'appelle Arrête de bitcher. C'est par le The Horny Bitches, un groupe de Montréal. Alors voici The Horny Bitches de Sous Pression. J'aime jouer avec le feu, mais j'aime pas me brûler, j'aime jouer avec le

de demain, de jamais. Excuse me. j'ai dit mort, pour un con, j'ai dit vent. Salut, on vient d'écouter du Dur Cœur avec le morceau Dur Cœur, Syndrome 81, avant ça avec Chaque Jour, tiré de leur plus récent EP des Arts Urbains, Stéréo Monroe avec Congé Divan de leur EP Coupe à Blanc, Trouble avec le morceau Tu Bouges, The Beat Down avec Demain et Jamais de leur album Walking Proud, Dirty Fonzie avant ça avec leur reprise de Les Shérifs Plus de Bombes, Les Shérifs avant ça avec Jouer avec le Feu, et on a commencé le bloc avec The Horny Bitches et le morceau Arrête de Bitcher tiré de la compilation Génération Shérif volume 2. Et là, maintenant, je vais vous laisser avec un dernier morceau, un autre morceau tiré de la compilation Génération Shérif, vraiment une bonne compilation, ça vaut la peine de vous l'acheter si vous aimez Les Shérifs, allez vous le procurer. Disponible à partir du site de Kicking Radio. Je vais mettre un lien sur souspressionpunk.com si vous voulez plus d'infos, mais je vous laisse avec Les Fanatiques, leur version de pourvu que ça dure. Voici Les Fanatiques à Sous Pression. Passez une excellente semaine. Facile de vivre avec sa rage de temps en temps.